une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Masca. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue à vous tous, le Planète Rap consacré à Masca. Comment va ? Ça va très bien, d'humeur ténébreuse aujourd'hui. Ben, je vois ça. Alors branchez-vous, hein, si vous avez l'appli Skyrock, allez-y, cliquez sur le skyrock.fm. Il y a un concept ce soir dans l'émission. Yeah. Il y a le yin et le yang. Il y a exactement le yin et le yang. Et d'ici quelques minutes, en fait, Masca et moi, on va intervertir, on va changer de rôle, on va changer de place. Eh ben déjà, non, si vous avez les images, déjà vous avez vu que il se passe quelque chose. Alors pour ceux qui n'ont pas les images, sachez que on ne sait plus reconnaître qui est Masca, qui est à bout de bang. Il y a une peinture sur le visage, une peinture noire, une peinture blanche, des sourires blancs, des sourires noirs. Allez mater, allez cliquer. De toute façon, on mettra les photos aussi pour ceux qui ne peuvent pas aller mater les images et qui peuvent écouter que la radio. On les mettra sur le skyrock.fm. C'est la deuxième soirée dans ce Planète Rap. Alors à qui je m'adresse ? Masca, Bouda Bang, faut que j'arrive à trouver mes repères en fait. Non, tu t'es trompé en fait. Aujourd'hui, le noir c'est The Bang. Et celui qui est déguisé tout en blanc, c'est Masca en fait. Et nous deux, nous sommes en gris, puisque et nous deux, on est en gris. On va saluer Dadju aussi, des Shinsekai qui est là parmi nous. Yeah. Et nous, on est entre les deux, on a le cul entre les deux. Deux sièges, entre deux yin, entre deux yang. Il y a moi, il y a mon gars Black aussi qui est juste là. En blanc, qui a choisi en son débardeur corps. Blanc. Je suis avec Masca ce soir. Oui, c'est voilà. Ça, tu es du côté Masca. Voilà. Ça va bien ? Très bien. Bon, très on va essayer bien. De tout comprendre. Hein. En tout cas, peut-être qu'on retrouvera aussi le sens de chacun dans le live tout à l'heure. Entre 20 tu et 21. On va tout capter petit à petit. Bon, est-ce que tout va bien quand même ce soir ? Que va-t-il se passer dans l'émission ce soir ? Alors, Adresse-toi à quelqu'un. Quand tu dis t'adresses à quelqu'un, dis son nom en fait. Je vais m'adresser à Bouda Bang, c'est son premier rap. Ok. J'ai dit à quel point l'album de Masca était fantastique et très bien travaillé. Je suis obligé tu de l'as lui dit hier. C'est mon gars. Tu l'as dit c'est hier. C'est mon gars, on a travaillé dessus ensemble, j'étais derrière lui. Et franchement, non, c'est un bon album. Donc je le recommande et je recommande à tous ceux qui écoutent d'aller le précommander. Aujourd'hui, il y a un nouveau morceau. Il a fait un feat avec Dadju ici présent, qui s'appelle Jimplos, qui est exceptionnel. Donc voilà. Et il va aussi lancer le clip Yin et Yang dans lequel je figure. Il m'a fait croquer. Je suis un petit peu. C'est un mec. Masca d'ailleurs. Dans 4 minutes. Le clip est arrivé ou pas ? Le clip va arriver dans 4 minutes à bout de beng. Mais si tu fais pas attention, je vais tout bloquer. Tu restes quand même mon petit frère. Merde, très attention. Qu'est-ce que ce jeu commence à m'énerver. Donc, c'est très vite. Donc Masca, que va-t-il se passer ce soir dans ton Planète Rap hein, cette semaine? Ce soir, ben, on a un invité Dadju. J'ai fait un son avec lui dans l'album qui s'appelle Jimplos, qui est en instant gratte aujourd'hui, si je ne me trompe pas. L'instant gratte, tu veux rappeler un peu ce que c'est l'instant gratte? L'instant gratte, c'est en fait l'instant, c'est l'instant gratte. C'est l'instant gratte. L'instant avec l'accent. L'instant gratte. Mais tous les jours, il y a un morceau qu'on fait découvrir sur iTunes et qui est disponible si on précommande l'album. Ah ouais. Espace-temps. Ça c'est magnifique. Donc aujourd'hui c'est le son qu'on a fait toi et moi. D'accord. Jimplos. Et voilà quoi. Alors Abou de Beng nous disait que c'était un morceau incroyable. Tu confirmes? Le morceau est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Il est profond. C'est sur une instru qui bouge, mais le morceau il est profond. De toute façon vous allez écouter et je pense que vous allez être convaincus parce que Dadju a fait le taf sur le morceau. Eh ben on écoutera ça tout à l'heure. Merci, est-ce qu'il y aura du live alors ça je m'adresse à tous les deux. Ouais, il y aura du live hein, on peut dire qu'il y aura du live. Ah, c'est pas maquillé pour rien. Donc du live tout à l'heure à pas louper dans l'émission et puis on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir à écouter. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Et ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec Masca, comment va ? Yeah. Ouais, ça va. Hein. Bon, ça y est, on y est, j'ai envie de dire, ou presque. On y est dans 7 jours. J-7. Ouais. J-7, 7 jours avant la sortie d'Espace-Temps. Alors, on se sent comment ? Il y a quoi ? Une pression particulière ? Il y a... Avant la sortie de chaque album, que ça soit section ou en solo. Donc en solo, on le sent un petit peu plus. Mais ouais, il y a quand même... On est avant le top départ en fait. On est là, on se concentre, on est devant la ligne de départ et le coup de feu va bientôt retentir et il va falloir courir. Planète Rap. Grosse excuse Skyrock. On est tous pareils, on est rien sans les autres frère. Rien sans les autres, la peau sur les autres, les biens sont les vôtres, on se rejette la faute, les uns sur les autres. Planète Rap. Regarde qui est là aussi avec sa magnifique veste. Eh, hey, mais qu'il est beau. Mec, il est beau, ah, il est beau. Il est beau. Black Jackson. C'est vrai. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est Black Jackson, c'est vrai qu'il y a... Sur l'album Espace-Temps, j'ai tellement de choses à dire sur cet album. Pour commencer, je vais dire que c'est l'album le mieux écrit de tous nos albums. C'est pas un dream que je suis en train de te dire. Un petit jeu sur tout ce qu'on peut lire sur toi, vrai ou faux, tu me le dis. Okay, c'est les d'accord. nouvelles du net, tout ce qu'on voit sur le net. Tu t'es mis au rap uniquement quand la section d'assaut a été créée. Avant, tu kickais pas. Ah non, ça c'est complètement faux. Donc, ça c'est faux. Ouais. Non, c'est tous mis à rapper quand on avait 12-13 ans, on va dire. Histoire de presque c'est 20 ans. Une longue, longue histoire, ouais. Planète rap. C'est parti en live. Masca, les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock. C'est quand tu veux, Masca. Ok, c'est parti. Même les boxeurs défendent des coups, leur adversaire. Des choses me poussent au cri, mais panique pas, je suis pas Dexter. Rien à dire, l'homme espèce, ne parle que par l'espèce. Tu sais, mon frère, ce que t'aimes te brûle quand il s'éteint. Les éloges qui résonnent. Je suis qu'un homme, comme les autres. Yeah. Humains sans mes fautes, rien sans les autres. La peau sur les os, mes biens sont les vôtres. On se rejette la faute, le vent d'os dans les vagues. Car dans le reflet de vos yeux, je vois. Pour la réfute, je pouvais mourir. Bap tout fou qui aimait souffrir. Cherchais personne car on me trouvait. Je restais fier, même éprouvé. Pardonne-moi, maman, pour toutes mes plaies que t'as soignées. Les larmes que t'as versées n'ont jamais cessé de m'assoiffer. Mes peines s'éloignaient pas de moi. Même si je pleurais, même si je criais. Mes souvenirs me font du mal. Quand mes larmes coulent, je peux qu'essuyer. Mon passé m'obsède, j'ai vécu trop de peine. Ma vie m'a changé, pourtant j'avance sans haine. J'ai tenté de changer de cœur, non. Skyrock, Planet Rap. C'était hier soir pour la première soirée avec toi, Masca. Yeah. Donc, grosse soirée, Linda, qu'on salue aussi. Soirée, on salue Linda, franchement, qui a fait une très, très grosse performance hier, qui a assumé le refrain sur mes peines perdues. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions hier. Voilà, je vais pas te rappeler à quel point Abou de Beng était ému. Donc, très ému, ouais. Franchement, cool. C'est vrai, Abou, hein, tu étais touché hein, aussi, toi. Ouais, tu as collaboré à cet album, on peut le dire. Ouais, si, je me suis impliqué, j'ai écouté, je me suis permis de conseiller de mon grand frère et de qu'il se remette un peu en question. Les nuits blanches chez Masca. Les nuits blanches, voilà. Je buvais un peu trop d'alcool pendant cette période-là, mais bon, après, je me suis un petit peu calmé. C'est vrai qu'on va pouvoir sortir des tabous. Il faut que t'avoues. Black M d'ailleurs, peut-être que tu peux sortir une question de dossier à Abou de Beng, à Masca ce soir. Comme les rôles sont un peu inversés, hein. Si vous arrivez à l'instant, vous dites mais ça qu'est-ce va qui venir. Se passe ça j'ai l'impression venir. De ne pas reconnaître les voix. C'est normal, tout va bien, ne vous ça inquiétez venir, pas. Tout au long de l'émission, donc si on peut poser des questions gênantes par exemple à Masca ou à Abou de Beng, on ne va pas se gêner ce soir. Ah, ne vous gênez pas en tout cas, il y a beaucoup de moi, je peux répondre à tout ce que vous voulez. Je suis Masca de la section d'assaut et je tiens à dire que le clip que j'ai fait en featuring avec Abou de Beng, Yin et Yang est enfin disponible sur tous nos réseaux, sur wati-b.com. Mais pour revenir à ce que disait Abou de Beng, Masca, t'es plutôt fêtard, toi, t'es un mec fêtard. Hein. Fêtard, franchement, sincèrement. Non, il est très sérieux. Masca, c'est un mec conscient. La fête fait partie de... T'as pas écouté Profiter de ma life, toi, je crois. T'as pas trop écouté Profiter de ma life. J'ai bien écouté celui-ci. Il y a quand même un message conscient derrière Profiter de ma life où je... Masca, je sais que t'es conscient. Comment foutre la merde dans deux secondes. Et c'est pas fini parce que dans un instant, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit quiz pour tous les deux, un petit quiz yin et yang, un petit quiz noir et blanc. Okay. Il y a pas de souci. Okay, bon courage à tous les deux. On balance quoi comme morceau pour débuter, Masca? Rien sans les autres. On va se mettre. Hier, il a fait bonne impression. On va se le rejouer pour tous ceux qui l'ont raté hier. Je l'ai raté. Rien sans les autres. Moi, je l'ai raté. Dadju, c'est vrai. En plus, tu aimes beaucoup ça. Et en plus, c'est mon son préféré de l'album. C'est vrai. C'est rien sans les autres. C'est vraiment le son que je préfère le plus. Tous les autres ne valent pas le coup. Mais t'es pas dans le jeu. T'es pas dans le jeu. Je sais pas, toi, peut-être. En plus, t'es en fuite sur mon album. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je comprends pas. En fait, de Beng, je t'ai pas parlé. Ouais, tu vois, voilà, je pars avec Masca, tu vois ce que je veux dire. On prend ton avis, Dadju. J'aime tes conseils. Tu sais que malgré ton jeune âge, je te laisse me conseiller et dire beaucoup de choses. Mais on va se mettre un sur les l'impression que ça va être un bordel à la fin de l'émission. Je vais me démaquiller, gros. Allez, c'est parti. Rien sans les autres, c'est extrait. L'album de Masca qui sort dans 6 jours maintenant, lundi. Yeah. Masca Dream! Espace-temps. Le 20 octobre. Melvin dans la place. Yeah! IDR! Dédicace à Xavier, Abim, Mama. IDR, Mamad, mon gars, les autres. ce qui se cache en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On se sent au-dessus des gens, sur eux on s'accoude. Et on tend la main que quand on est dans la boue. T'étais censé faire du genre, mais t'as rendu tes parents fous. Tu parles pas la même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Dès que t'as pété le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas de différence, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Les éloges, qui résonnent, yeah. 20 octobre, dans les bacs. La peur de l'étranger ne rassure pas la France. Elle s'auto-terrorise, elle n'assume pas sa chance. Tu m'as donné la force, j'ai pas su la prendre. Le mal est normal, car le bien est étrange. Quand t'as rien mangé, t'envies les gens la dalle au ventre. Solo contre tous, t'es comme un crachat face au vent. La modestie est belle, la jalousie est arrogante. Je vais finir incompris comme un indien qui parle aux plantes. Même les boxeurs défendent des coups, leurs adversaires. Des choses me poussent au crime et panique pas, je suis pas d'expert. Rien à dire dans mes spaces, ne parle que par l'espèce. Tu sais mon frère ce que t'aimes, debout quand tu sais t'aimes. Le 20 octobre, dans les bacs. Pas tous meilleurs que les autres et c'est pour ça que personne ne l'est. En réalité les anges ne sont pas à Los Angeles. On agit chacun pour soi bien qu'on soit rien sans les autres. On aimerait être parfait, je serais pas humain sans mes fautes. L'homme est sociable malgré tout l'ego qu'il a. Les députés s'en valent car y'a le ghetto qui râle. On a plus besoin des autres que de ce béto qui fane. Papa sans toi la vie n'est qu'un ego qui crame. Les éloges, les éloges, bien sûr. L'espace-temps qui résonne dans les bacs, un homme, j'suis qu'un homme. Album de Masca, comme les autres, disponible lundi prochain. Car dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. Car dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. Car dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. Car dans le reflet de vos yeux, je vois mes défauts. 20 octobre dans les bacs. Et je passe dans. Dans les bacs, Nigue. C'est extrait de l'album de Masca que l'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. Espace-temps, ça sort le 20 octobre, ce morceau qui s'appelle Rien sans les autres. Elio Petrodollar vient d'arriver. Petrodollar. Réaction à chaud quand tu arrives dans le studio, que tu vois Abou de Bang. Qui est là à tes côtés. Encore plus foncé que d'habitude. Masca encore plus blanc. Et Masca encore plus blanc, voilà. Les rôles sont peut-être un peu inversés ce soir. Suivez bien l'émission. Bien à l'heure, Petrodollar. Ouais. Comme d'habitude. Retard, tu connais. Ouais, c'est côté africain, un peu d'enfance. Est-ce que toi, tu veux bire un petit peu cet album? Espace-temps, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ok, cet album, j'ai vu Masca travailler toute l'année dessus. Oui, franchement, c'est l'album, c'est une tuerie. J'ai vu le gars se prendre la tête, nous sortir des concepts, rien que là, on le voit en face de nous. Tu vois ce que je veux dire? Des concepts de fou malade, des sons de fou malade. Il y a de la mélodie, il y a du rap, il y a. Vas-y, allez acheter le CD, Fin Dream. C'est quoi ton morceau préféré, Léo? Un de mes morceaux préférés, c'est celui qui vient de passer, rien sans les autres. Bon, je me disais bien, mon gars, sûr. Oui. Et c'est pour dire que Léo va m'accompagner dans la tournée avec Black M. Oui, Black M qui est là aussi ce soir. Il va beaucoup m'aider sur scène, vu que voilà, c'est un gros travail. Et je tiens à rappeler les dates de séances dédicaces dans toute la France. T'es le meilleur, Masca. À la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie, le 20 octobre, le jour de la sortie. Ensuite, le 27 octobre au Food Corner Épinay. Le 28 octobre au Food Corner du Havre. et à la Wati Boutique de Marseille le 1er novembre. Et si vous venez avec le CD, vous avez un t-shirt collector Masca. Vous allez me voir dans le sablier, me porter sur vos torses, vu que mon concept est très, très, très intemporel. Alors, t'as oublié de dire aussi qu'à chaque Zénith, tu seras présent pour faire des séances de dédicace. À chaque Zénith, on allait t'offrir un... Ah oui, je te sécurise à chaque fois. Mais vas-y, explique ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras là après chaque Zénith, faire des dédicaces. Hein, et on t'offrira à ceux qui viendront avec ton CD, on leur donnera un t-shirt. Ah, parfait. Parce que le Wattib est très généreux, c'est un peu le meilleur lacet du monde. Ah bon, comme tu m'as l'air un peu plus vif que Masca ce soir, j'ai l'impression que t'es un petit peu plus vif. Je peux pas lui manquer de respect, c'est je voulais que tu nous parles surtout de ce concept. Alors pour ceux qui ont les images, vous voyez sur le Skyrock FM, ce côté noir et blanc, cette dualité, c'est ying, moi qui ai trop trouvé. Ce ying et ce yang. Ouais. Alors, un petit mot, ça vient d'une philosophie chinoise, hein, le ying et le yang. Ouais. Il est né comment ce morceau? En fait, cette année, on était vraiment très très proches. Donc, lui, voilà, c'est de la génération au-dessus de mon quartier. Et à un moment donné, on s'est rapprochés, très rapprochés. On était tout le temps ensemble. Dès que tu disais Abou, il y avait Masca. Dès que tu disais Masca, il y avait Abou. Et ce qui fait que quand on a écrit ce morceau-là, il a été très. Comment dire? On décrivait les mêmes choses un peu. Moi je parle de mes amitiés, lui parle de ses amitiés avec la section, il parle de Lefa, Adama, Kims, et on parlait de ça, mais avec d'un point de vue différent. Donc ça nous a fait penser à cette complémentarité yin yang. Voilà. Vous le ferez en live tout à l'heure ou on l'écoutera? Exactement, on va le faire en live. Alors, déjà il y a le clip, je vous conseille d'aller le voir. Est-ce que tu as vu le clip? Je vais le voir pendant la page de pub là. D'accord. La page de pub qui arrive dans un instant. Merci. Non, on va faire ce petit quiz yin et yang, si vous voulez bien, ce côté noir et blanc. Donc les questions, c'est pour vous deux, hein, vous répondez comme vous voulez. Okay. Peut-être que la première question, en tout cas, c'est plus pour Masca. Okay. Les textes de ton album, tu les préfères plutôt noir ou plutôt blanc? Yin et Yang. Voilà, parce qu'on retrouve un peu tout dessus. Exactement, il y a toutes les couleurs possibles. Abou, toi, tu aimes écrire plutôt Yin ou plutôt Yang? T'es plutôt noir ou blanc? Je suis gang, moi. Tout ce qui bouge, moi. Moi, je viens de la street, gros. Putain, je te casse les dents, gros. On sort de tôle, gros. Ça fait un an et demi, alors, je raconte la même chose, man. Peut-être s'arrêter sur cette anecdote. La première chose que tu as fait quand tu es sorti, Abou? Bah, je suis allé en soirée, hein. T'es allé où en soirée? Et tu as fini comment? Allez, avec qui? T'as fini comment? Qu'est-ce que t'as bu du jus? Non, ouais, du jus d'orange et... Qu'est-ce que t'as bu, mec? Dis-nous tout ce que t'as bu, mec. Dis-nous ça, bah. Me pose pas trop de questions, bah. Je vais y répondre, mec. Allez, deuxième question, noir ou blanc, le rap, vous le préférez? Bah tiens, c'est pour vous deux, plutôt noir, plutôt blanc, dans les textes, dans l'écriture, dans ce que vous écoutez? Vas-y, réponds. Sincèrement, on a un côté, surtout pour Abou Debeng et moi, un côté sérieux, qui on aime bien retranscrire les choses cash, un peu trash, mais à notre façon, tout en ayant une belle plume. Parce que je te mens pas, Abou Debeng ici présent est en dessous de moi au niveau de l'âge, mais dans la plume, c'est mon égal. Merci. Il y a des fois, sans mentir, il me surpasse. Franchement, c'est un compliment. Non, il me surpasse. Attends, je suis choqué, j'arrive pas. Il me surpasse. Il surpasse sur le morceau Yin et Yang, je trouve qu'il m'a surpassé. Ah ouais. Tout simplement. Ah là, je suis touché, je sais pas quoi dire parce que même de me comparer à Masca, c'est waouh. Sincèrement, je sais que tu n'aurais jamais osé, c'est pour ça que je le fais à l'instant. Putain. Bon, suite du quiz Yin ou Yang, la vie d'artiste, le show business. Plutôt Yin, plutôt Yang. Moi, Abou Debeng, il connaît rien au show business. Mais la vie d'artiste, il a parlé de vie d'artiste. La vie d'artiste. Abou Debeng n'est pas encore un artiste. Moi, je veux poser une question. Pourquoi tu veux un artiste? Faut poser la question à Abou Debeng. Abou Debeng, moi, je suis show business. C'est comment ta vie d'artiste? Je sais pas pourquoi Masca répond à ça. Je chante, j'écris des textes pour des artistes ici présents. Voilà, je le dis, je suis derrière, je suis un ghostwriter. Et comment tu vis ça? J'écris son. Comment tu le vis? Tu le vis comment le truc? Écrit zombie, gros. T'as changé ou quoi? Ouais, j'ai changé, mais les gens ne savent pas, donc faut pas trop le dire. Mais c'est positif. Non, négatif, très négatif. Très négatif. Ah, ouais, je suis un bâtard. Cette émission va mal finir. Bon, suite, quiz noir ou blanc. Le climat politique en France, plutôt Ying en ce moment plutôt... Oh, c'est Masca qui va répondre à cette question. Mais c'est toi, Masca. Masca, c'est toi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pris le micro. Tu parles de toi, la troisième personne. T'es en train de nous pourrir le micro. Ah ouais, bon, oh, c'est pas grave, vous allez laver. C'est quand même Masca de la section d'assaut. Le climat politique, ces temps-ci, c'est tendu. C'est tendu. Je vois que Valls a beaucoup de choses à dire. On suit de loin, mais on suit. Et Abou, il s'en fout de la politique, non? Ouais, moi je suis dans la rue, gros. Ouais, de Beng, il est dans la street, laisse-le où il est. Il vient de sortir des dos. Il s'en tape totalement. Il sort de tôle, gros. Et enfin, donc pour finir ce quiz, ouais. Noir ou blanc? Putain, là c'est une question limite, hein. C'est-à-dire, je vais l'appeler la question zémourienne. Les meufs plutôt noires ou blanches? Je savais, voilà, je savais. Moi je suis plutôt international, hein, je prends tout ce qu'il dit. C'est tout à bout de Beng. Là c'est tout de Beng. Ça c'est tout de Beng. Ma chérie, là, j'ai un Donc Abou, oui, tu confirmes cette qu'on entend pas, cette rumeur qu'on entend régulièrement sur Abou de Beng. Ouais. Dès que ça se présente, il saute dessus, quoi. Ouais, dès que c'est beau, je mange. Ah ouais. C'est tout de Beng. Masca maintenant, la voix de la sagesse. Masca, il est sage. Moi non, sincèrement, je suis quelqu'un de très discret déjà en amour, donc je vais pas m'étaler sur ce sujet. Putain, comment je te respecte, Masca, c'est chaud. Bien joué. Dans un instant, ne bougez pas, on va revenir sur cette soirée un petit peu spéciale, peut-être des rôles inversés, peut-être le yin, le yang, qui vous a atteint aussi chez vous, dites-nous à la maison, envoyez des photos d'ailleurs si vous êtes... maquillé, déguisé. envoyez vos photos avec le Skyrock FM, l'application Skyrock. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on était trop beau. Comment, c'est qui? C'est non, quoi? Non, il y a marqué. Vous êtes trop beau. Yin et Yang, trop bien, vous êtes trop beau. Sois pas jaloux, Dadju. Je suis quand même ton grand frère. Mais merci à vous, continuez. On regarde tous vos commentaires depuis le début. Vous et avec le hashtag Masca sur Skyrock. Masca sur Skyrock. J'ai pas eu d'infos. Raja, sommes-nous entêtés? Pas encore. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va bien. Mais Masca, t'oublies ta promo. Allez télécharger, j'implose. Oui. Et précommander l'album. C'est vrai que là, il y a quand même un problème. Je suis pas là derrière toi, tu vois. C'est comme ça, nous sommes complémentaires. Nous sommes le Yin et le Yang. Ok, d'accord. Précommander l'album. Alors attends, Abou, vas-y, fais la promo de Masca. En fait, il est trop humble et modeste pour faire sa promo, donc je la fais à sa place. Il y a un album de fou qui Masca a fait là, un dinguerie. Allez le chercher parce qu'il vaut vraiment la peine. Il est vraiment lourd, il est travaillé de fond, de forme. Et précommandez-le. Précommandez-le. Oui. Et vous avez tous les jours un nouveau titre. Hier c'était Rien sans les autres. Aujourd'hui c'est un morceau énorme. J'implose. Je dirais même un single. Est-ce que Masca a fait avec Dadju? Un génie. Est-ce qu'on le passe d'ailleurs après la pub ce morceau? Ou est-ce qu'on a un autre titre? Oui. Ouais, on va se mettre j'implose. J'implose ? Ouais. Ok. Et ne bougez pas dans un instant sur Skyrock, le retour de ce planète rap un peu spécial, avec beaucoup d'invités aussi. Il y a des gens, si vous avez les images, il y a un côté noir, un côté blanc, il y en a qui sont en gris aussi. Il y a un grand monsieur qui va arriver. Nous, on a choisi justement ce côté de réunir tout le monde. Voilà, exactement. De réunir l'union, tout le monde. Le gris, c'est l'union. Oui, exactement. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Masca a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Si vous arrivez à l'instant, soyez les bienvenus. C'est le Planète Rap consacré à Masca, notre invité toute la semaine et son album Espace-temps. Masca, excuse-moi, je me permets de te couper la parole même si tu es en grand. Je te respecte et je te dois tout. Dis. Tu es en top tweet. Bravo. Bravo, tout ça c'est grâce à toi, Abou de Beng, et ce merveilleux clip qu'on a fait ensemble, Yin et Yang, déjà que Fred est en train de regarder, il est même plus concentré dans l'émission. Je suis là, je suis en train qui de est disponible de découvrir. Sur whatidirb.com et sur tous les réseaux sociaux. Clic, et puis précommande l'album. Précommande ce truc, il y a J'implose, un morceau formidable qui arrive dans 2 minutes que tu pourras obtenir quand tu auras acheté l'album. Magnifique, Abou de Beng, tu as tout dit, c'est vrai, j'ai fait un beau feat avec Dadju. Dadju, le feat jump. T'en penses quoi, Dadju? Vas-y, on va te laisser. Du feat Dadju qui est là, qu'on salue aussi. Au passage. qui lui n'a pas changé de rôle a priori. Ou alors avec lui-même. Moi je suis toujours moi-même. Après, je suis pas dans ces histoires de personnages, tout ça. Tu manques de respect. On est quand même plus âgé que toi, non? Non, je rigole. Attends. Je rigole. C'est les deux meilleurs du WTB. Non, le morceau J'implose, c'est vraiment un ressenti en fait. C'est un ressenti que beaucoup de gens vont ressentir aussi. On a tous connu des moments difficiles, tout ça. qu'on n'a pas voulu extérioriser, tu vois, on n'a pas voulu mettre une droite tout de suite, on a tout gardé en soi, et il y a bien un moment où on finit par imploser, tu vois, on finit par imploser, à pourrir de l'intérieur à force de tout garder pour soi. Et c'est aussi un état d'esprit que je partageais avec Maska. C'est pour ça que j'étais vraiment honoré de pouvoir poser dessus. Et donc voilà. Et pour en revenir à l'album, c'est vraiment parce que j'ai pas dit de mots sur l'album. En quelque sorte, on m'a rien demandé. Non, mais vas-y. Non, t'as la parole. T'as rien demandé, mais profite de cette parole que tu as. Non, ouais, je profite pour dire que c'est vraiment, je pense que c'est un des albums les plus aboutis du Watibé. Il est dans la même tonique, c'est le même taf que là, c'est comment ta section d'assaut t'a fait avant, ça a été pareil, exactement de la même manière. C'est-à-dire que, en vrai, c'est l'album de Maska, c'est Maska qui est devant, mais en fait, c'est tout section d'assaut qui était derrière. Ça veut dire que tout le monde était derrière lui. Tout le monde, que ce soit pour les mélodies, pour les textes, tout ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire est-ce que ça c'est bon, à demander l'avis des autres et à écouter aussi. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est vrai. Donc il a changé beaucoup de choses. Il a fait 3 albums, mais il a choisi les meilleurs sons. Tu vois, mais il a fait 3 albums vraiment finis. Et c'est vraiment un album, c'est un album de monstre, vraiment. Espace-temps, l'album qui sort lundi. Je vais en profiter pour demander à Bouda Bang, comme tu étais aussi là pendant la construction de cet album, hein, d'Espace-temps. Est-ce que tu as appris beaucoup? Est-ce que tu vas justement en profiter pour peut-être travailler différemment maintenant? Ouais, c'est vrai que le travail, de toute façon, ça t'amène une expérience et qui t'enrichit. Et comme Maska lui-même a progressé et a appris et compris des choses, moi qui étais avec lui, et ben j'en ai tiré profit aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui va arriver le 24 octobre qui s'appelle Zulu, où on commence à voir un petit peu mes premières facettes. Et j'ai vraiment du lourd, je vais alimenter tout au long de l'année. Avec mes vidéos, le public, je vais vraiment l'alimenter. Les gens vont commencer à me découvrir cette année. Est-ce que je peux dire un mot? Vas-y. À bout de Bang, un artiste très très lourd, à ne pas négliger. Ah ouais, c'est un ivoirien, il est obligé d'être lourd. La musique, c'est inné chez nous, tu vois. J'ai changé artistiquement parlant, j'ai changé, et c'est aussi grâce à lui. C'est lui qui m'a fait changer, vraiment. J'ai passé un nouveau cap là, grâce à lui. Et ben, on va écouter ce morceau maintenant qui est extrait de l'album Espace-temps. C'est parti. Yes, j'implose. Avec Maska et Dadju. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose, c'est une question de persévérance, patiente et serrer les dents. Et j'implose, plutôt que m'enterrer vivant, je m'interdis d'en finir. Celle qui a pris ton cœur a perdu beaucoup plus. L'amour, un goût de merde mélangé à de la rancune. À force de prendre sur moi, je peux même plus prendre de recul. Je canalise mes nerfs comme un puits entre deux putes. Chant que j'en peux plus, mes pensées s'entretuent. Taille sans que je fume, j'ai marché sans rotule. La musique m'a appris de près le sens de flûte. Mais j'ai le cœur en paix, jamais je change de but. Accoudé sur un trait qui chuchote, qu'est-ce t'espère? Comment retrouver ses principes, penser que le respect se perd? Viens pas test, est-ce clair? Car je reste très ferme, je laisse les stères, je reste très fier. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose, c'est une question de persévérance, patiente et serrer les dents. Depuis toujours comme ce gamin qui se prend des papins par la vie, marqué des yeux comme le visage d'une tapin. Maska, Espace-temps le 20 octobre. Précommande l'album. Pas comme un homme et pas comme un gosse. J'implose, souffrir en secrète, sourire aux lèvres. Peu importe, je cours à ma perte, j'oublie mes rêves. Le son est disponible, il est là. Va sur iTunes, prends-le et t'auras l'album aussi la semaine prochaine. J'ai pas plein de photos, y'a toujours pire que soi. J'ai toujours plein de photos qui me rendent visite le soir. Ah, y'a pas photo, les flashs noircissent mon cœur. Mais t'inquiète pas, j'ai un peu de l'album. Face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose, ce n'est qu'une question de persévérance, patiente et serrer les dents. De chercher l'or, je vais finir par me perdre. Yeah. Ceux qui parlent sur moi vont finir par se taire. Je suis pas dans la merde, je suis dans les affaires. Beaucoup de soucis à gérer, me prends pas la tête. Appelle-moi Leonidas, je suis prêt pour la guerre. Vodka et son sont dans mes affaires. Je galère sur le dos, très clair. Dans les bacs, niggas, espace temps. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulèvent, les miens me font tenir. À vous de même. Je peux tenir, je me retenir, me contenir, changer d'air. Je peux tenir, me retenir, je me retenir, oui. Je construis ma vie Mais quel artiste dans, dans les bagues, les gars. Espace-temps. Ouais, à l'instant, c'est extrait de l'album Espace-temps. Ce morceau, j'implose qui est dispo en Instagram. Exactement. Yeah. Qu'est-ce que l'Instagram? C'est simple, quand vous précommandez l'album de Maska, en ce moment, là par exemple, on peut aller cliquer tout de suite. Vous avez directement, automatiquement, le morceau qui est mis en ligne ce jour-là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le morceau j'implose que j'ai fait en featuring avec Dachu. Sinon, vous avez déjà aussi profité de ma life. Vous ouais, aussi rien sans les autres. Prêt pour moi. Rien sans les autres, sinon. Et rien sans les autres depuis hier. Depuis hier, donc on peut l'avoir. Donc allez cliquer, sinon vous attendez aussi le support physique parce qu'il donc est très beau cet album aussi. Il y a de quoi patienter jusqu'à lundi là. Il y a de quoi patienter jusqu'à lundi. Et c'est précommandé, précommandé. Demain il y en aura. Et c'est loin d'être fini. Je rappelle aussi que si vous aimez bien l'album, si vous aimez bien l'objet, il y a la fameuse réalité augmentée, Maska. Exactement. Tu veux nous toucher un mot de la réalité augmentée? Vous prenez vos téléphones, vous téléchargez l'application, vous scannez l'album et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un petit making of. Voilà. Ça va vous faire plaisir. Et t'as encore oublié de dire que quand il y a un CD acheté, il y a un t-shirt offert. Non, je n'ai pas oublié de dire. Tu l'as dit? Je l'aurais redit tout à l'heure. C'est en fou même à bout. Tu as un peu le cerveau. Non, non, j'étais un petit peu ailleurs. Mais par contre, t'as oublié de faire la séance des dédicaces, donc je vais le refaire. Et je vais préciser que t'as quand même ouvert une boutique qui s'appelle Food Corner à Épinay et que les gens ont le droit d'y aller. J'en ai ouvert deux. Excuse-moi, une qui est au. T'es un peu tête en l'air, Maska, je sais pas où on ne te reconnaît pas. Du tout, c'est Abou de Beng. Qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Abou de Beng est toujours à l'affût. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Abou de Beng, c'est l'homme fantôme. Il connaît tout. Il se rappelle toujours de tout. Donc, je vais te laisser faire. Voilà. Alors, Maska a une séance à la Wati Boutique. La Wati Boutique, Paris, 29 rue de la Ferronnerie, pardon. À partir de 17h, est-ce que je dis une bêtise? Oh, mais vas-y, Abou de Beng. Non, attends, tu dis pas de bêtises, tu dis pas c'est ça doit être ok, ça. C'est 17h. Food Corner à Épinay, son magasin fantastique, beau, sublime, dans lequel il y a énormément de vêtements. Merci. De toutes sortes. Voilà, donc à Épinay le 27 octobre. Donc à 18h au centre commercial Lilo à Épinay à Auchan. Food Corner au Havre 28 octobre au Havre au Food Corner du Havre, centre commercial Le Grand Cap, à la Wati Boutique de Marseille le 1er novembre. Voilà. Et vous puis, avez un CD, on vous offre un t-shirt. Et il paraît d'ailleurs à bout que toi de ton côté tu vas ouvrir un débit de boisson prochainement. Mais non, je vais tout boire, ça sera la ruine. Si je fais ça, je coule, je vais consommer tout le bénéf. Un soul corner que tu vas ouvrir prochainement. Abou, attends, je ne te comprends pas. Il y a des membres de ton groupe qui viennent d'arriver, qui sont présents. Qui sont présents dans la salle. Méga sûr. Que tu n'as pas salué. Méga sûr. L'insolent. Moi, je vais les appeler. J'appelle Insolent, John K et le H, s'il vous plaît. Mais ils sont avec toi. Ils sont de mon côté parce que ça, c'est mes refrains. C'est les gars, moi, c'est pas mes refrains. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, je sais pas trop, toi. En tout cas, ils sont venus en blanc aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Comment ça va, mon Guinso? Ah, ça va très très bien, et vous? On est là, ça va très bien. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi les news? C'est quoi les big news? Les news, c'est Espace-temps. On est là, on soutient le projet. Ah, et merci, on mon ensemble, gars. Tu connais. John K. Ça dit quoi, toi, mon gars? On est là toujours. Hein. Toujours. Tout le monde, ouais. On toujours, est toujours actif, là. Toujours. Quel là pour style, soutenir, mon gars. On a eu la chance d'écouter le projet en avant-première. Ouais. Et croyez-moi, je ne rigole pas, vous allez voir, vous allez être choqués. Non, mais tu dis ça parce que je suis ton grand frère, tout. T'es trop respectueux. Non, très respect, Maska. Maska, toi-même, tu sais. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'est pas là pour toi. Bon, merci, mon gars. Et mon gars, le H. Alors, celui-là, il se fait totalement. Ça dit quoi, Fredo? Calme-moi. Ça va en forme? On est là, tranquille. Il lui pète la forme. Ouais, tu m'as l'air bien, là. Ouais, on pète la forme. T'as vu, moi, j'étais pas trop. Là, ces derniers temps, t'as vu, j'étais à l'étranger, mais bon, je reviens, les gens ils sont chauds, il y a Maska là, il est là sur son projet. D'ailleurs, tu trouves pas une différence quand tu reviens? Ouais, franchement, ouais, mais bon, tranquille, on en reparle de tout ça. Okay. Donc, voilà, là, je suis là pour Espace-temps, là, c'est un projet, franchement, le frérot, il a mis tout ce qu'il avait. Merci. Franchement, la prestance, elle est là, il y a des morceaux, j'ai pu être là au studio. J'ai constaté que franchement, il y avait du level, tu vois. Merci. Avec mon gars Dadju, De Beng, toute l'équipe, ouais, franchement. C'est un projet à photo. Que d'émotions autour de cet album. D'émotions, on est là, on fait la promo et franchement, faut aller l'acheter, tu vois. Et de passage là, tu connais, je suis là, obligé de dédicacer, tu vois, les petits frérots, tu vois. Oushtar, ils sont là, il y en a, ils sont Hebs, tu vois, mon petit frérot, tu vois. Marlo, il est là en Deep Throat, tu connais, courage, on est garde là. Garde la calme. Dans gars. Un instant, nous mettrons on un morceau. Calme. Qu'est-ce qu'on met? Le Profiter de ma life, le Prix pour moi. Qu'est-ce qu'on va mettre, Masca? Réfléchis bien, Masca. Réfléchis c'est à ce moi truc. Qui décide, fais voir. Et bah, réfléchis pendant que nous accueillons Little Money de Perpignan. Salut, Little Money. Yeah. Salut. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Bienvenue, Little Money. Bienvenue. Merci. Ça va, tu arrives à suivre l'émission, tu comprends ouais, les changements de rôle. Tu comprends le yin et le yang, le concept. Ouais, réédition de Black M. Oui, aussi. En 20 octobre. Black M qui était habillé en blanc, qui était du côté de Masca et qui s'est d'un seul coup rapproché de Abou de Bang. En noir, là. Qui est là, qui s'est mis en noir d'un seul coup, qui a ressorti sa magnifique veste de Black Jackson. Mon gars. Au top. Ouais. Little Money, on t'écoute rapper, c'est l'heure du freestyle, t'as une 30 pour tout défoncer, c'est parti. Ouais. Yeah. RP, ça fait. Non. C'était pour. Yeah. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a quitté son pays pour dériver en France. À la perte de ses amis et toute son enfance. Accompagnée de sa mère qui allait dans le même sens. Malgré l'amour entre elles, elle se retrouve versant. Les deux personnes juste avec un billet de sang. Pour finir le mois et des fois en repensant. À la famille qui plaide et à chacun de leurs sangs. Qui voulait son trottoir. Qui voulait son trottoir. Mais maintenant c'est trop tard, ma mère voit plus les siens. Elle pleure tous les soirs, qui t'en perd son teint. Je ne sais plus comment faire pour lui redonner le sourire. Putain c'est l'enfer, oui, j'aimerais lui offrir une vie pleine de bonheur. Pour oublier ce malheur qui nous ronge de l'intérieur. Pour lui rendre l'honneur que je lui dois, oui que je lui dois. J'ai essayé les études, mais ça n'a pas marché. Mon manque de culture m'a pénalisé. Tous les soirs je m'en sur mon passé. Malgré ça j'ai la tête dure, je continuerai d'avancer. Pour honorer mon père, ma mère. Mes frères, mes sœurs, c'est eux qui me font tenir le coup. Je me surpasserai du coup. Il faut penser que notre passé ne fait plus partie de notre présent. Essaye pas d'y repenser. Il faut te dépasser. Plus de répartie déjà présent. Et voilà Little Money. Et bah voilà Little Money. Voilà. Pour nous suivre, vas-y, on t'écoute. Ouais, si vous voulez nous suivre, c'est Little Money officiel sur YouTube. Il y a 1500 abonnés. Et sur la page, c'est Little Money. Il y a 15 000 j'aime. Et bah très bien, on continue à aller cliquer Little Money. Courage Little Money, t'as le courage de Masca, de toute la section d'assaut, du tout la baie, du tout la belle Ouattibé. Merci à toi Little Money à l'instant en freestyle. Alors quel morceau, on part sur quel morceau On va partir, c'est Abou de Bang en fait qui a demandé parce que je sais que c'est un morceau qui lui tient vraiment à cœur. C'est un morceau que j'ai réalisé, mais c'est un des premiers morceaux que j'ai fait. Je suis revenu je pense 4 fois dessus si je me trompe pas. Et voilà, c'est un morceau très très intime, très profond. Et voilà, je laisse le s'appelle le découvrir. Mama. Mama, c'est le nom de ce morceau extrait de l'album Espace-Temps. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose dessus. Non, c'est un morceau qu'il a fait pour les femmes. Il parle de sa fille, de sa mère et de sa grand-mère. Donc c'est un morceau adressé à la femme en général. Mama, ça veut pas forcément dire la mère, c'est s'adresser à toutes les femmes. Voilà, petite précision. Et on l'écoute, on le découvre maintenant. Vous réagissez avec le hashtag Masca sur Skyrock. De ce monde, j'ai juste tes bras. Pardonne-moi pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman. Sans toi, je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. Des femmes me tournent autour, mais t'es le seul amour de ma vie. Je te raisonne souvent, mais je serais déjà fou sans toi, ma fille. Si Dieu m'a donné des yeux. C'est juste pour voir les tiens. Le destin nous sépare bien, mais pourtant cet amour nous tient. J'oublie toutes mes peines quand tu m'enlaces si gentiment. Envers toi trop de sentiments, quand t'es près de moi je me sens vivant. Je t'aime donc je te bombarde de bisous tant que je le peux. La vie est dure mais devient pure quand je la vois dans tes yeux. Pardonne-moi, reste près de moi. Je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi, pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi, et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman, sans toi je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman, ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi, maman, je t'aime, t'es ma douceur. tu m'as porté dans ton corps, comment pas te porter dans mon cœur. La richesse qu'a dans ton cœur est la seule qui cause pas de malheur. Je me sens mal quand je dis maman, laisse-moi, je dois attraper tout à l'heure. Tes rides changent ton visage, mais ton sourire restera intact. Ton âme reste si douce malgré la vie et ses impacts. J'assumerai pas que tu partes, je serai pas assez fort. Je tomberai dans l'alcool fort si t'es pas là face à mes torts. Pardonne-moi, reste près de moi. Je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman. Sans toi, je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. Mamie, je t'aime, ta voix me manque. Mais tes six pieds sous terre, je peux pas faire autrement. Prends soin de ton fils. Prends soin de mon père. Depuis qu'il t'a rejoint, dis-lui que son garçon se perd. Maudit cancer, t'étais si forte. T'es toujours dans ma tête, pour moi tu n'es pas morte. Qu'est-ce que je dois faire sans tes conseils? Comme un arbre sans ses racines, je sens que je sais. Pardonne-moi. Le 20 octobre dans les bacs, Masca, espace-temps. Pardonne-moi. Espace-temps, on ne pardonnera pas sinon. Pardonne-moi. Reste près de moi, je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi, pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi, et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman. Sans toi je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. 20 octobre dans les bacs, espace-temps. Pardonne-moi, Masca. Yeah. Oh, pardonne-moi. Yeah. Le 20 octobre dans les bacs. Rendez-vous lundi à la Wati Boutique. Yeah. Un gros morceau de l'album aussi, celui-ci. Extrait de l'album Espace-Temps. Le morceau s'appelle Mama. Yes. Masca, je viens d'apprendre que les précommandes de ton album ont augmenté, donc voilà, j'encourage tout le monde à continuer télécharger l'album merci, de Masca. Il y a plein de surprises comme vous pouvez entendre là. Vous écoutez que quelques extraits, mais tous les sons sont de cet auteur-là. J'ai écouté tout l'album et tous les sons sont de cet auteur. C'est vraiment au niveau de la qualité du son, du fond et de la forme. Masca, il a mis le paquet, donc ayez confiance, achetez le projet les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Et si vous voulez bien, maintenant il est grand temps de passer au live. Yeah, un morceau attendu, yeah, ce morceau justement, yeah, la complémentarité entre vous deux sur voilà, ce morceau, le Ying et le Yang. Le clip est arrivé aussi. Hein. Ouais, le depuis 20h, vous pouvez cliquer sur YouTube watibek.com, le clip est là. Donc voilà. Allez, c'est parti, l'heure du live sur Skyrock, c'est parti maintenant. Yeah. Avec Masca et Abu de Bang. Ok. Yeah. Si t'as déjà parlé au poste, hein. Yeah, yeah. Le 20 octobre dans les bacs, espace-temps. Si t'as déjà parlé au poste, hein. Ok. Si t'as déjà parlé au poste, hein, sois gentil, ne parle pas. Dans mon cœur y'a du monde, hein, et pour toi y'a pas de place. Ouais, je sais, je me rabatte, ouais, je sais, j'ai pas de barre. Adama me le rappelle, fais ça là, t'as pas le choix. Mets la goutte sur mes frères, transformé en passoire. Un mec bien qui aimerait se poser, j'arrive plus à m'asseoir. Je reste debout et basta, nique sa mère, j'y basta. T'es qu'une niche de passage, une autre vie passera. Je vais pas tout donner, hein, juste mon corps, mais pas de cash. Tu m'aimes pas, c'est pas grave, mon succès t'embrassera. Dans mon rap y'a pas de faille, sur mon chemin y'a pas de rail. Tout me manque, mon pote fall, tu me manques, je suis haut de pas. Wesh, me guille, on s'est connu en volant cette vie. Regarde ce qu'on a vécu, elle est pas violente cette vie. Descendre prêche en Italie, remplir les zéniths. Ils savent pas qu'on est des frères avec ou sans la musique. J'ai dans le sang la musique comme un virus nuisible. Ouais, sérieux, c'est easy pour nous de faire des tubes ici. Des frères me trahissent qui m'entubent à domicile. Si mes ancêtres sont des singes, arrivent pas d'origine. Je Ling et Yang en même temps, intelligent et méfiant. On dépend tous d'un rectangle, carte bleue, billet de banque. Ça devient pas inquiétant, ça l'a toujours été. Mais le croyant ne s'inquiète pas, pour lui tout est réglé. Votre opinion m'a stressé, me sens sans cesse agressé. Pas faux jugement mais laissé, moi j'ai déjà percé. Qui viennent tous me tester, je veux les tenir en respect. Plus de rimes que d'espère, plus de haine que d'espère. Je suis modeste et pépère, ne viens pas tester un mec fier. Une plaine de cow-boy peut vite devenir un western. La beauté du monde réside dans le visage de mes gosses. Tout est paradoxal, un peu comme l'histoire de Rick Ross. J'ai un pirate de l'époque, un avion me suffit pas. Et si le capitaine me bloque, les conséquences il subira. J'ai la sueur sur mes draps, même quand je dors je fais des efforts. Oui l'avenir me sourit pas, car au bout il y a la mort. Je crains de perdre la vie mais de rencontrer des anges hardcore. Tu veux me complimenter, viens pas couronner un mort. Le frère ne sort de tôle, il a besoin de se détendre. Quand les femmes laissent béton, tu sais comment on distrait. Oui le diable est discret, introduit nos systèmes. Nerveux et on s'y fait, s'y fait et s'y fier. Petite coquée misère, toi tu vis du deal d'air. Va pas toucher le smic, je me demande à quoi les flics servent. Pardonnez-moi si je rêve de les voir en civière. Ceux qui pèsent le plus sont au fond de la rivière. Allô à bout, appelle des bouts, que les monstres se libèrent. Ramène-nous des... avec des langues de vipère. Pour foncer dans un mur, pas besoin d'avoir ton mi-père. Location de tombe, oui ça rémunère les cimetières. J'ai pas tu fais le bonhomme, et t'auras pas une vie de merde. Regarde vite rempli de haine, j'ai plus rien envie de faire. Le 20 octobre dans les bacs, espace-temps. J'ai plus rien envie de faire. Paris by night à la recherche des acheteurs. C'est pas pour trouver l'âme, sauf qu'on met nos pieds en after. Je passe en débat différé si j'ai pas d'alibi. Quand je vais en Belgique, je me dirige pas vers Alibi. J'ai jamais rien compris au mat, t'as vu. Donc je me retrouve à faire des ronds à tous les hommes de rue. Des récits fantastiques, des statistiques statiques. On veut devenir obèse, mais l'état sert à nos gastriques. Quand je voulais qu'on prenne la pâte, y'avait pas un chat. On devait grailler dans la même assiette, mais t'en as fait ton plat. Perse, tu viens coche quand tu rêves. Les gens te gonflent en espérant que tu crèves. Et un jour tu perces, ah, tu sens la rage quand je parle. Chez nous c'est soit les keufs, soit les putes qui parlent. C'est la même combine qu'on dit louvant des combines. Retourne dans tes combines pour éviter combine. Ils veulent savoir si je possède des biens, grosse valeur. Je me demande avec quelle arme je vais affronter le Fossoyeur. 10 ans plus tard, je suis toujours le même putain. Ghost Rider. Je tourne en radio sans que tu m'entendes. Je suis un Ghost Rider. J'étais mineur émancipé par les cas. Force majeure. 17 ans en tôle sortie avec une force d'ailleurs. J'ai la dalle, je suis en chien. J'ai le mort d'ailleurs. C'est ce qui a failli nous faire braquer ces convoyeurs. On était convoyons, loin d'être visionnaire. On voulait juste baiser la rue en missionnaire. On voulait se déplumer pour des prises de bec. Ça jouait les gros bras aux premières prises de bec. Soit t'étais sur terrain, soit t'étais mis sur tech. On savait exiler tous les fils de traîtres. Les fils de traîtres ou les fils de lâches. On baignait dans leur sang et on prie le lâche. On dépassait pour méga bâtard, j'ai l'art de le faire. Prendrai la vie de celui qui va enterrer mon âge de guerre. Rappelle-toi de nos cambriolages en l'an 2000. 2 ans plus tard, en cellule, on se tape des barres de rire. Je connais Paris de fond en comble, ses côtés les plus sombres. Tu dois lancer ton cœur pour briller dans la pénombre. J'ai volé, j'ai raqueté, j'ai fait du mal à autrui. La rue m'a instruit, mais la rue m'a détruit. J'ai tapassé des gravons, j'avoue, j'ai mangé des jarons. Me suis aussi mangé des cas au bout, tu viens sans carreau. J'ai fait ma salade, mais j'ai plus souvent commis des péchés. La question, est-ce que ton gars bon va se faire empêcher? Assez, laisse le passer au passé. Mon gars masque m'appelle ce soir, y'a du j'ai bien chassé. On se capte à 9h pétante, je suis pas celui qui prétend. Genre de tôle, juste un coup, histoire de détendre. Ah, je veux pas toucher une misère. Je finirai en civière ou comme tout le monde au cimetière. Je sais pas, tu fais le bonhomme, et t'auras pas une vie de merde. Regarde vite rempli de haine, j'ai plus rien envie de faire. Espace-temps, le 20 octobre, ils ont plus rien envie de faire. Espace-temps, yeah, yeah, yeah. Ils ont plus rien envie de faire. Tire. À l'instant, en live, le ying et le yang, où chacun retrouve son rôle aussi dans ce morceau. Yes. À l'instant, avec Maska et Abou de Bang. C'était compliqué d'échanger. C'était compliqué, yeah, yeah, je suis à nouveau moi-même. Eh, hey, comment tu m'as manqué de respect pendant cette émission, gros. Eh, hey, gros. Gros, t'es mon tipeur. Gros. Gros. Ah là, t'es redevenu toi. Je suis redevenu moi. Bah non, oui, mon gars, excuse-moi, toi aussi, on était obligé. Depuis le morceau. Depuis le morceau. Ah non, sincèrement, mais grosse émission. Je vais quand même peut-être juste poser une dernière question, justement, à Abou de Bang. Profitez de ce maquillage que vous avez peut-être vu sur les images Skyrock FM. Maquillé comme tu es et habillé en masca, tu fais quoi ce soir? Oh putain, je sais plus qui je suis là. Je sais plus qui je suis, je sais pas à quoi répondre, mec. Non, on est calme, on reste à là. Abou? Non, la semaine elle est pas finie. Avec mardi toi aussi, Fred. Tranquille. Demain, il y aura un gros live avec J'implose. Il y aura un nouveau morceau avec Aboutal qu'on va mettre en instant grat. Restez branchés. L'album vaut vraiment le coup. Il y a pas un morceau à jeter. J'en ai fait 60, j'en ai gardé 15. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant longtemps. Réellement, ce n'est pas de l'orgueil. J'admets une vérité. Cet album est lourd. Non, on tape le véridique. Il y a un truc qui voulait s'exprimer. Il y a un truc que vous oubliez de faire, les dates, tout ça, machin. C'est mon truc généralement. Ah oui. Vas-y. Alors vas-y. N'oubliez pas le lien iTunes est toujours en précommande, l'album est toujours en précommande, continuez, on voit que ça monte, on voit que vous suivez, Disney, s'il vous plaît, continuez. L'album est très sale, vous ne le regretterez pas. Ensuite, les dédicaces. Lundi, vous verrez Masca à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie. Le vrai Masca. Le vrai, pas moi. Je suis qu'un imposteur, je suis un minable. Le 20 octobre, le jour de la sortie à la Wati Boutique, le 29 rue de la Ferronnerie. Yeah. Foot Corner, le 27 octobre. C'est Foot Corner d'Épinay. Sa propre boutique lui-même. À lui, il a fait avec lui-même. Tous ces gars, il y aura Mama Didier pour t'accueillir. Il sera là. Mama Didier. On est où? 27 octobre à Foot Corner Épinay. Ensuite, le 28 octobre, Foot Corner du Havre. C'est encore à eux. Lui est quelqu'un d'autre. Ouais. Ensuite, à la Wati Boutique, le 1er novembre. De Marseille, la Wati Boutique de Marseille. Ça, c'est à Dawa. Ça, c'est au boss. Ça, c'est au boss. Dédicace. Soyez là-bas. Et pour tous ceux qui viennent avec le CD, comme d'hab, vous aurez un t-shirt collector. Un t-shirt où il y aura écrit Masca. Portez du Masca, d'ailleurs. Il me faut un, d'ailleurs. Dadjo, tu as oublié quelque chose quand même pour conclure cette séance de dédicace. Ces séances de dédicace, c'est le fameux c'est vrai que je l'ai. Parce que j'ai besoin que quelqu'un bire la tête. Ouais, c'est vrai. Normalement, c'est en. Donc, ne vous inquiétez pas, tout se passe. Je le ferai au moins 20 fois le jour de la, le jour de la sortie de Masca, là. Voilà, sans m'arrêter, je le ferai. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Voilà, donc comme je te disais, ces temps-ci, voilà, je suis un peu en activité. Et là, voilà, chaque membre de l'institut, on a décidé de se lancer un peu en. Ouais, j'ai salué, monsieur. Non, mais là, c'est les empreintes surtout. C'est pas grave. Donc, chaque membre de l'institut, on a décidé, en parallèle du groupe, de se lancer dans des petites vidéos promotionnelles pour l'instant. Il y a que Beris qui taffe là sur un album. Et pour moi, selon Janka, le H et tous les autres, on taffe sur des capsules, sur des vidéos promotionnelles. Donc, on peut les trouver où? On peut les trouver sur tous les sites. Insolent, on a déjà sorti deux. Voilà. La violence est gratuite, ça c'est lui, c'est son concept. Il en a déjà sorti deux, ouais, exactement. La dernière, Nous fait pas la bise, très très lourde, voilà. À retrouver sur ses réseaux sociaux. Et moi, je sors la mienne le 24 octobre. Je vais vous faire le premier couplet et le refrain de ce morceau jeudi en freestyle. Ne loupez pas. Gros freestyle jeudi de Touloua Tibé. Avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. Avec Ellie de Tann dans le 6-8, ça va bien Ellie? Salut Fred, ça va? Bienvenue, en pleine forme. Merci, ça va et toi? Prêt à faire tourner la roulette? Ouais, nickel. Allez, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop. Avant de retrouver la radio libre de Default dans quelques minutes. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, Sopra en concert, la tournée de Sopra. Nickel, il y a deux places pour toi. C'est parfait. Excellent. Petite dédicace, Ellie. Ah, Masca, vas-y. Ouais, mon gars. Masca, tu fais du lourd, hein. Continue comme merci, ça. Merci, mon frère. Voilà, c'est très gentil de ta part. Moi, j'ai commandé l'album, là, je suis chaud. Si, si, ah bah. Eh ben, il a précommandé merci, l'album. Mon gars, parfait. Voilà, très gentil à toi. Merci, mon gars. Merci à toi, Ellie. Passe une bonne. Je peux faire une dédicace. Ouais, vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, j'aimerais faire une dédicace à Flo, Simon, Sofiane, Oku, Zaizel, à Virgil, à Hugo, à Okan, à Palumbo et à tous mes autres potes. Ah bah voilà. Merci à toi, Ellie. Merci Fred. Ciao, passe une bonne soirée. Merci donc à tous ceux qui sont passés ce soir. Monsieur Abou de Bain qui a retrouvé son rôle à l'équipe de l'institut qui était là. Et l'institut, ça dédicace toujours. À Dadjo, à Black M qui était dans le coin aussi. Ouais. Et j'ai une grosse dédicace à placer pour Diego's. Casse pour mon gars Diego's qui freine là, mon gars Bader qui connaît. Attends, le casque, on n'entend rien. Hop, le H de guerre. Hop, le H de Larsen. Le H de guerre, tu connais sur Sky. Ouais, comme je t'ai dit, mon gars Diego's là, il vient de se faire pincer, t'as vu. Donc, t'as vu, dédicace à lui. Gringos aussi, mon gars, on t'oublie pas, t'inquiète pas. Ouais, allô, le petit refrain, tu connais, ça bouge pas. Bader, vas-y, les frères. Eh ben, merci à vous tous, merci Masca pour cette belle soirée. Yes, merci en noir et blanc ce soir. J'allais dire un petit bonjour à Diffoul là, je crois. Eh ben, je pense que. Je sais pas si qu'ils te reconnaissent. Diffoul, pourquoi? Ah bah, tu vas voir, je ne te dis rien, c'est la surprise. J'arrive, les copains, je vais vous épater. C'est le blanc qui n'est plus blanc. Tiens, bah, vas-y tout de suite, tiens, regarde, comme ça tu vas. J'arrive tout de suite. Vas-y, Masca, comme ça on va faire la réaction en direct. Tu viens avec moi, Abou. Abou, viens. Tous les deux, allez-y. Un feu dans la partie aussi. Je t'envoie les deux. Pas... Vas-y, fais donc, filmer par Momo. Essaye de reconnaître. Momo, faut que tu filmes. Ouais, filme vite, bah, dépêche-toi, Momo. Oh, mais Momo. Dépêche-toi, Momo. Mais elle s'est pris tous les sièges. En même temps, tu demandes à Momo de se manier. Bon. Ouais, impossible. Bon, je pense que vous aurez les images demain. Ouais. Mais du coup, et déjà, Fredo, là, t'annonces une bonne nouvelle parce que déjà, si on a les images, bravo. Ah oui, ils font flipper. On est là. Espace-temps le 20 octobre dans les bacs. C'est un saut, on est là. Masca, bout de bec. Institut, Duncan. Candyman est dans les glocos. Bise, les gars. Je vais tous vous buter. Je vais dire quelque chose de magnifique. Oui, faut. Noir ou blanc, il n'y a pas de différence. Masca, je t'ai reconnu. Ah, Masca, on le reconnaît. Je pensais pouvoir braquer des banques comme ça. Tu m'as reconnu, bordel de merde. Masca, je t'ai reconnu. Alors que je fais peur. Ouais, grave. Je suis un tel. T'es pas comme ça, les gars. T'es un ouf. Je te sens jaloux. Ah, la tronche. Ah, Romano, il parle pas. T'as vu des notes? Non, mais il parle pas. Vas-y, dis que je suis formidable, mec. Non, mais c'est extraordinaire. J'ai goûté, je l'entends. T'es vulgaire, Romano, je tiens à te le dire. Tous les jours, quand il y a ton morceau qui arrive et que tu pars de gigoter et qu'un mes enfants dans la peinture, pam, je change parce que je sais que tu vas dire des assassinés. T'es un gros thug. Wow, je te respecte. Ouais, T'es un gros thug. Romano, t'as jamais dit que t'étais un gros thug. Non, mais c'est gentil. Ça va, Pascal? Ouais, ça va, en forme, là, espace-temps. Je suis très content de tout ce qui se passe. Continue à précommander l'album. Je vais de promo en promo, de studio en studio. Je ne lâche pas l'affaire. Précommandez le truc, vous serez pas déçus. Je me suis acharné dessus. Je me suis détruit autant sur le fond que sur la forme. C'est un très bon album. Donc j'en suis fier et j'aimerais que vous en soyez fiers aussi. Donc achetez-le et précommandez-le. Et il n'y a rien sans les autres. Et j'implose. Et prie pour moi et profitez de ma life. Déjà disponible. Encore une raison de plus pour le précommander. Et écoutez-le demain. Et le Ying et le Yang, le clip demain. Aussi. Le Ying et le Yang, le clip est disponible. Et c'est l'insolent qui est là. On va aller voir Fred. Salut les gars. Salut, recouvrez dans l'autre sens. On te revoit dans la semaine, Masca. Salut, ciao. Et les images, miracle, Momo a filmé, c'est ouf. Oh, ah, putain. Bah attends, on sait pas ce que ça va donner. Hein, non, on sait pas encore, mais il a filmé. C'est déjà dans la boîte. Bon, après, on va vous le mettre sur les réseaux sociaux si c'est possible d'ici minuit. C'est ouais, possible. C'est vrai. Possible. On va essayer. Ben, merci Fred. De rien. Merci Masca. Demain le retour, 20h, 21h, peut-être. À pas louper. Ouais, et là, c'est parti en direct jusqu'à minuit. Coup d'envoi pour la radio libre. C'est au 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là. Vous pouvez appeler dès maintenant. Faites péter les messages aussi. On vous attend. Salut Diafra. On salue ceux qui sont déjà là. Il y a JD qui vient d'arriver. Il y a Grosse Berge qui est là aussi. Faites péter tout ça jusqu'à minuit. Vous voulez passer dans l'émission. C'est possible. Vous voulez réagir en direct. C'est possible aussi. Ouais. Et nous, on revient dans un instant pour faire plaisir à Masca avec Gigo, Gigo, Gigoté. Ah. Salut Fred.